Diane, étant en l'épaisseur d'un bois, après avoir maintes bêtes assénées, prenait le frais de nymphes couronnées. J'allais rêvant comme fait maintes fois sans y penser, quand jouit une voix qui m'appela, disant « Nymphe étonnée, que ne t'es-tu vers Diane tournée ?» Et me voyant sans arc et sans carquois, « Qu'as-tu trouvé, ô compagne, en ta voix, qui de ton arc et flèches ait fait proie ?» Je m'animai, répondis-je à un passant, et lui jetai en vain toutes mes flèches et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sang et sans brèche.